tranquillement, le temps que l'émission lundi matin se termine, on va tranquillement passer au rendez-vous sur Paris-Île-de-France. Mais avant tout ça, quelques petites chansons et on se retrouve juste après. Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, la voix sans Dieu ni maître. Pour nous soutenir financièrement, on a toujours besoin de vous pour continuer d'émettre et renouveler le matos, par exemple. Vous pouvez télécharger un bon de souscription pour soutenir votre radio sur le site de la Fédération anarchiste. Et qui est bien sûr modulable selon vos moyens. Ta radio, tu l'aimes ? Alors tu la soutiens. Pour télécharger votre bon de souscription à Radio Libertaire, rendez-vous sur le site www.radio-libertaire.net. Pas en retard, on est tout juste à peu, juste une chemise fragile tous les matins. Du sel sur mon travail, ne présente rien. Pourtant, au soir, quand j'ai fini, je me sens couvert, je suis un employé tel. Je suis un employé tel. Je suis un bouquet de sel. Un jour peut-être, qui sait, l'employeur soulignera ma fidélité. Une plaque, un stylo doré, une belle repro laminée. Mais dans mes nuits sont ferreurs, je n'aurai plus qu'à les tunnels et dans la noirceur. Je n'entends plus qu'une seule question: combien de temps durera encore la fille? Ma langue poche. Je ne suis qu'un bouquet de fer, un parapluie dans le vestiaire, une photo que plus solitaire, des salutations austères et le code vestimentaire. Matin que les 0 Celsius et la nuit seigneur attrape dans le tourbus, et sous mes deux yeux constatés c'est en couleur de café. Et ma foi, y'a plus que la chaussée devant nous. Alors que s'écroulent les viaducs derrière les roues, tous les passagers se taisent car voyez, nous sommes tous résignés. Nous sommes des employés. Nous sommes des employés ternes. Nous sommes des corps et du sel. Seulement des corps et du sel. Nous sommes des employés ternes. Nous sommes des employés ternes. Éternellement subalternes. Toujours des employés ternes. Autrefois étudiants moins. Autrefois étudiants moins. Bientôt les vieillards appris. Bientôt les vieillards appris. Qui auront travaillé toute leur vie. Ils sont affamés toute leur vie. Pour prendre le sel dans leur lit. Pour prendre le sel dans leur lit. Nous sommes des employés ternes. Des parapluies dans mon vestiaire. Je suis un employé terre. Une photo que du solitaire. Des salutations austères. Et le code vestimentaire. Je suis un employé terre. Un corridor circulaire. De l'autre univers. Et de retour sur Radio Libertaire 89.4 sur la bande FM. De retour pour l'émission, c'est là que ça se passe. Votre agenda militant, votre agenda de lutte, votre agenda De rendez-vous, que ce soit des manifestations, des rassemblements. Et il y en aura beaucoup cette semaine, il y en aura beaucoup encore. Ou que ce soit des rendez-vous plus propices à la discussion, hein, comme des rendez-vous de projection, des rendez-vous de débat, des rendez-vous de présentation de livres, des rendez-vous de discussion sur tel sujet ou tel autre, des spectacles, etc., etc. En tout cas, tout ce qui permet de se retrouver ensemble, évidemment de discuter, évidemment de s'approprier les mots, et puis de pouvoir décider ensemble des luttes à mener. Alors, excusez-nous, Milan et moi-même, de ne pas avoir été présents la semaine dernière. Milan parce qu'il bossait, et moi parce que j'ai chopé une grippe ou un état grippal qui m'a cloué au lit tout fiévreux, et donc je n'ai pas pu assurer l'émission. Encore aujourd'hui, hein, cet après-midi, si... excusez-moi si jamais je parle du nez, mais je suis encore bien pris. Je suis encore bien pris au niveau du système respiratoire, et voilà. Donc je risque de bafouiller ou de me moucher de temps en temps, etc. Mais je me suis quand même dit qu'il fallait que je vienne quand même faire l'émission cette semaine, puisque n'ayant pas eu lieu la semaine dernière, je n'ai pas pu vous faire de petits comptes rendus sur les manifestations qu'il y a eu ces derniers jours, hein, ces deux dernières semaines. Et il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup sur Paris, l'Île-de-France, et il y en a eu beaucoup aussi en région. Hein, ça a plutôt bien... Ça a plutôt bien fonctionné au niveau des luttes de rue. Il y a eu quand même beaucoup de personnes qui se sont mobilisées, soit pour la journée du 9 mars, soit pour la journée du 17, je crois, du jeudi 17. Voilà, il y aura encore des mobilisations, hein, que je vous présenterai tout à l'heure pour la journée du jeudi de cette semaine, c'est-à-dire le jeudi 24, hein, il y aura encore des mobilisations sur Paris et l'Île-de-France et des mobilisations ailleurs en région aussi, bien contre la loi El Khomri, hein, contre la loi travail, cette loi qui casse plus que de raison, qui casse plus que de protéger les travailleurs, travailleuses ou précaires et qui participe bien évidemment à cette lutte de classe, hein, mais ce n'est pas la nôtre qui est en train d'être victorieuse. En tout cas, il y a deux semaines, c'est pas la nôtre, c'était évidemment la classe de la bourgeoisie, la classe des riches, la classe du capitalisme, qui continue à vouloir bien évidemment faire en sorte que nous trimerons, et qu'on trime encore, jusqu'à temps que, je sais pas, peut-être qu'ils voudraient que les gens meurent au travail de façon nombreuse, enfin, de façon conséquente, ce qui arrive, hein, des morts par le travail, il y en a beaucoup chaque année, hein, que ce soit dans des grandes sociétés ou dans des petites TPE. Eh bien, il y en a. Mais bon, on ne sait pas trop ce qu'ils recherchent avec ça. Toujours la casse du travail, là, toujours la plus grande rentabilité des actionnaires, du patronat, etc. C'est toujours, je ne sais pas. Des fois, je me demande si ces personnes sont vraiment intelligentes parce que, quelque part, à force de tirer sur la corde, l'être humain étant un être biologique, organique, hein, il y a un moment où ça ne pourra pas passer, hein, parce que le phénomène biologique fait qu'on ne peut pas travailler 14 heures par jour sur une durée de 45 annuités. C'est pas possible, hein. Donc ça serait bien. Enfin, c'est bien que les gens se sont réveillés à aller manifester dans la rue. C'est bien qu'il y ait eu des piquets de grève, hein, devant les entreprises. Et il faut que ça continue. Évidemment, il faut que ça continue pour envoyer cette loi travail à la poubelle. Mais il faut que ça continue, bien évidemment, pour envoyer toute la société, le gouvernement et le capitalisme, dans sa totalité, à la poubelle. Hein. Il ne suffit pas seulement de dire on va lutter contre cette loi, et puis si jamais on gagne, eh bien, si jamais on gagne, voilà, on est content, etc. Non, même si on gagne, il faut rester pas content. C'est-à-dire que, rappelez-vous, hein, la loi Delacquer en 1986, ou plus récemment le CPE en 2006, certes le CPE avait été enlevé en 2006, hein, on avait gagné, on peut dire, entre guillemets, mais enfin le capitalisme est toujours là, hein, de 2006 à aujourd'hui. Il y en a eu beaucoup des attaques du capitalisme contre le prolétariat. Donc voilà, il suffit pas. Bien sûr qu'il faut mener la lutte contre cette loi, mais c'est contre l'ensemble des lois et c'est contre l'ensemble du gouvernement et de l'État qu'il faut mener la lutte. Hein, et que cette bataille contre la loi travail n'est qu'une étape et qu'il faut surtout pas relâcher la pression, surtout pas. Alors on va commencer avec les rendez-vous. Les rendez-vous pour aujourd'hui, je vais en avoir deux à vous proposer. Lundi 21 mars, jour que nous sommes, avec tout d'abord une petite conférence qui aura lieu à 18h. Une petite conférence concernant normes, enfin qui s'intitule « Normes et espaces des milieux queer, entre domination, violence et bienveillance ». Alors je vous donne tout de suite l'adresse, parce que ça aura lieu à la Bourse du Travail de Saint-Denis, située au 911 rue Guénin, à Saint-Denis donc, pardon. Et on y accède avec la ligne 13 du métro et la ligne 8 du tramway à la station Saint-Denis, Porte de Paris. Alors je vais vous lire un peu cette conférence. Donc, cette présentation s'appuiera sur le travail de thèse réalisé par Chat Prieur, qui abordera dans un premier temps la nécessité pour des personnes non hétérosexuelles de créer des lieux où des sexualités et des rapports affectifs alternatifs peuvent s'exprimer sans se heurter au contrôle social présent dans l'espace public. Puis, Chat Prieur montrera comment ces lieux s'organisent dans l'espace. Elle terminera par une étude des stratégies militantes et politiques permettant de gérer les violences présentes au sein de ces milieux. Dans cette présentation seront mobilisés les travaux des chercheurs et chercheuses et des penseurs et des penseuses féministes et queer, notamment autour des concepts d'hétéronormativité et de care. Care, c'est la bienveillance. Cette conférence a lieu dans le cadre du cycle Espace et pouvoir, conjoint entre la Dioniversité. Vous savez que la Dioniversité, c'est l'université populaire de Saint-Denis et c'est le local du groupe Henri Poulaille de la Fédération anarchiste. Et donc, c'est un partenariat entre la Dioniversité et l'université Paris 8, plus particulièrement le département de géographie de cette université. Donc voilà. Pour aujourd'hui, pour ce soir, un premier rendez-vous de conférence à 18h. Les normes et les espaces des milieux queer entre domination, violence et bienveillance qui aura lieu à Saint-Denis, à la Bourse du Travail de Saint-Denis. Et autre rendez-vous que je voulais vous parler, c'est aussi l'Assemblée Générale Interlutte contre la loi Travail, qui est prévue ce soir à 18h également à l'Université Paris 1 Tolbiac. Alors, si vous avez peut-être suivi ce qui s'est passé la semaine dernière, il y a eu une très grosse répression de la part des forces répressives de l'État, hein, c'est-à-dire de la police, mais plus particulièrement c'était la BAC, la Brigade Anticriminalité, et les GM, les groupes de gendarmerie mobile, qui sont l'équivalent des CRS dans le corps de gendarmerie. Il y avait une première AG qui a eu lieu jeudi dernier. Cette AG, du fait de l'université qui avait été fermée par le doyen de l'université, Tolbiac avait été fermée donc par le doyen de l'université jeudi dernier, l'Assemblée Générale a quand même eu lieu. En tout cas, elle a essayé de se tenir en faisant du forcing pour occuper un amphithéâtre au sein de l'université. Malheureusement, les étudiants et étudiantes, mais il n'y avait pas que des étudiants et des étudiantes, il y avait aussi des travailleurs hein, et des précaires, qui se sont... Enfin, ils et elles se sont fait expulser de cet AG manu militari, hein, avec une très très grande violence. Il y a des gens qui ont fini à l'hôpital. Il y en a avec des bras cassés, d'autres avec des plaies ouvertes et sanguinolentes à la tête. Voilà, donc ça a été vraiment très fortement réprimé jeudi dernier, mais c'est pas pour ça qu'il faut se laisser abattre, et donc il faut continuer le combat, et c'est pour ça que cette deuxième Assemblée Générale Interlude contre la loi travail a lieu ce soir à Tolbiac, plus précisément à l'amphi N, N comme Noémie, et ça aura lieu au 90 rue de Tolbiac, c'est le centre Pierre Mendès France pour être plus précis. Et on y accède comment ? Eh bien, on y accède par le métro 14 Olympiade ou par la station Tolbiac également. Alors, je vais vous lire un peu le texte d'appel à cette Assemblée Générale. Jeudi, une Assemblée Interlude a été organisée à Tolbiac. Les locaux fermés administrativement ont été joyeusement envahis par une porte dérobée malgré les regards outrés du président de Paris, hein, et l'envoi en hâte de nombreux CRS, GM et de membres de la BAC et d'un gang, voilà, d'un gang de baqueux énervés. À peine commencée, elle a été interrompue par l'intervention violente et, il faut le dire, ridicule des policiers. Les participants ont été encerclés, filmés, certains ont réussi à s'échapper, certains ont été relâchés, d'autres ont été tabassés et arrêtés. L'AG a dû se réunir sur le parvis de Paris 7 que le ministère a fermé en toute hâte, évacuant étudiants et personnel. Il a été décidé de se réunir le lendemain, la violence panique des autorités ne nous laissant plus le choix de nous organiser ni de nous parler. Vendredi dernier, donc, cette assemblée a été accueillie par les occupants de Paris 8. Elle réunissait des étudiants, des précaires, des chômeurs et des chômeuses, des travailleurs et des travailleuses, des jeunes, des vieux, des vieilles, des gens. En tout cas, différentes questions ont été abordées. Partage des savoirs, autodéfense juridique, mouvement collectif dans la rue, etc. Les discussions ont duré plusieurs heures, sans tribune ni tour de parole, dans une effervescence joyeuse qui, nous sommes obligés de le constater, est souvent écrasé par les dispositifs de contrôle bureaucratique mis en place dans certaines assemblées générales mandatées. Cet appel ne prétend pas fixer à l'avance les modalités de la discussion. Cette assemblée appartient à ceux qui la font. À nous d'en déterminer les formes selon les aspirations et les situations. Au vu de l'obstination sénile du ministère à déclarer la fermeture administrative des lieux où nous cherchons à nous organiser, comme de la violence, de la répression, nous sommes conscients que réussir à tenir cette assemblée n'ira pas de soi. Nous avons cependant le sentiment d'être nombreux et nombreuses à partager l'envie de poursuivre les discussions entamées jeudi et vendredi. Nous appelons donc à nous réunir à 18h dans l'amphi N de Tolbiac, chien de garde ou pas chien de garde. Signé des participants et participantes de l'AG Interlute. Donc voilà. Voilà, ce sera ce soir à 18h. Je pense qu'il faut être très nombreux pour faire peur, en tout cas si c'est possible de faire peur aux forces répressives de l'État. Voilà, je pense qu'il faut être nombreux et nombreuses à cette Assemblée Générale pour éviter que la répression soit trop violente. Et il ne faut pas avoir peur, hein, de la répression. Il faut tenir les lieux. Il faut tenir les lieux. C'est ça qui fait peur au capitalisme, hein, et à l'État, c'est de tenir des lieux qui sont des lieux qui ne sont pas faits pour ça, des lieux où on peut se réunir, discuter, nous, membres du prolétariat, et décider d'action, hein, évidemment, évidemment. Donc voilà, ce soir, 18h, la deuxième Assemblée Générale Interlude contre la loi travail. Pardon, à l'université Paris-Intelbiac, au centre Pierre Mendès France, 90 rue de Tolbiac, plus précisément à l'amphi N, métro Olympiade ou Tolbiac. Voilà pour les rendez-vous d'aujourd'hui. Les rendez-vous de demain, mardi 22 mars. Eh bien, il y a... Alors, je ne sais pas trop si ce rendez-vous est maintenu parce que je n'ai pas de lieu précis pour un rassemblement ou une manifestation, mais en tout cas, c'est une journée de grève dans la fonction publique. Une journée de grève dans la fonction publique, à l'appel de l'intersyndicale, et qui est surtout par rapport au... comment dire... ce qui s'est passé dans la fonction publique avec le soi-disant dégel du point d'indice des fonctionnaires que le gouvernement voudrait faire. Mais on n'en est pas vraiment sûr, hein. En tout cas, voilà, pour les revendications des fonctionnaires, donc, pour la journée du mardi 22 mars, eh bien, les revendications sont les suivantes. Pour un dégel immédiat du point d'indice, pour le rattrapage immédiat des pertes de pouvoir d'achat qui sont dues au gel du point d'indice depuis 6 ans, pour la revalorisation des filières métiers du ministère de la Culture et de nouvelles perspectives de carrière, et pour une protection sociale complémentaire de haut niveau ouverte à tous les personnels, quel que soit leur statut. Voilà, donc le gouvernement a fait ce jour, alors ce n'est pas le jour d'aujourd'hui, mais une ultime proposition jugée inacceptable par les grosses organisations syndicales. Après 6 ans de gel, le point d'indice serait augmenté de 1,2% en 2 fois. Raison de plus pour descendre dans la rue le 22 mars. Nous ne faisons pas la mendicité, nos revendications sont justes et doivent être satisfaites. Alors voilà, mais par contre je n'ai ni de lieu ni d'heure à vous communiquer pour cette journée de lutte dans la fonction publique du mardi 22 mars. C'est possible aussi que ça soit, déplacé le 24 mars, c'est-à-dire le jeudi, et les manifestations qui sont prévues aussi ce jour-là. Mais en tout cas voilà. Si vous êtes dans la fonction publique, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de vos syndicats. Renseignez-vous s'il y a des préavis, ce genre de choses, qui sont déposés pour la journée du mardi 22. Et puis, eh bien, n'hésitez pas à vous mobiliser devant les ministères ou dans les ministères. Hein. Je vous laisse la liberté la liberté d'action. Pour enfin obtenir les revendications de ces personnes. Autre rendez-vous du mardi 22, ce sera la journée de grève des infirmiers anesthésistes. Il y a un dépôt de préavis de grève pour la journée du 22 mars à l'intention des étudiants, des infirmiers anesthésistes et des cadres de santé infirmiers anesthésistes. Les revendications pour cette journée du mardi 22 mars, revendications des infirmiers anesthésistes, ce sont alors la récupération d'un corps spécifique pour tous dans la fonction publique hospitalière associé à une grille indiciaire linéaire conforme à une profession Bac plus 5 avec répercussion sur le secteur privé non lucratif. Prise en compte de la pénibilité de la profession d'infirmier anesthésiste, reclassement dans le code de la santé publique en tant que profession autonome intermédiaire dans l'organigramme des professions de santé, et enfin, la garantie du maintien des infirmiers anesthésistes dans le secteur du préhospitalier et la prise en compte de la plus-value de leurs compétences en SAMU. Voilà. Alors, bien sûr, une partie des revendications est quand même très corporatiste. Hein, et c'est dommage qu'il n'y ait pas de lien avec la loi El Khomri. Mais voilà, les infirmiers anesthésistes ont aussi le droit de se mettre en grève, et c'est rarement qu'ils et elles le font. Donc voilà, en tout cas, si vous êtes infirmier anesthésiste, n'hésitez pas, le mardi 22 mars, vous avez un préavis pour vous couvrir, pour vous mettre en grève, donc, et puis n'oubliez pas de faire des actions. Parce que ce n'est pas une grève passive, hein. c'est une grève active qu'il faut faire. J'aime à le rappeler. Voilà pour la journée du mardi 22. Autre rendez-vous, toujours le 22, toujours demain, ce sera un rassemblement de soutien dès 8h30 du matin. Rassemblement de soutien pour dire non à la répression syndicale. Pourquoi répression syndicale ? Eh bien parce que Sébastien Barou, représentant Sud à Paris 15, au centre Paris 15 de la Poste et secrétaire du CHSCT, est convoqué à un conseil de discipline le mardi 22 mars. La Poste demande 6 mois d'exclusion au prétexte d'une prise de parole en fin d'année dernière. Oui, parce que maintenant, les prises de parole syndicales dans les entreprises comme la Poste deviennent de plus en plus interdites. On ne sait pas pourquoi, hein, puisque normalement, c'est autorisé dans le Code du travail, mais selon la direction de la Poste, ça ne l'est pas. Hein, on a déjà eu ça dans le, le, une répression des syndicalistes sud dans le 92. Et voilà, aujourd'hui, c'est sur le site de Paris 15 qu'il y a de la répression. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Eh bien, au-delà de cette répression antisyndicale à l'œuvre, les pressions disciplinaires contre les postiers et les postières se sont généralisées. Aujourd'hui, nul n'est à l'abri d'une sanction ou de menaces diverses. La Poste n'est d'ailleurs pas seule à mener une chasse aux sorcières, aux militants et militantes syndicaux, comme l'ont montré les récents exemples à Air France ou encore parmi les Goodyear. Les syndicats Sud, CGT, CFDT et FO, entre parenthèses, on ne sait pas trop ce que la CFDT fait ici, mais bon, s'opposent à toute attaque contre les libertés syndicales et les droits des personnels et exigent l'abandon de la procédure disciplinaire à l'encontre de notre camarade Sébastien Barou. Un préavis de grève couvre les postiers parisiens le 22 mars afin de permettre la mobilisation la plus large. Alors le lieu de rendez-vous, ça sera devant la DOTC Paris Nord de la Poste, située au 27 rue des Renaudes. On y accède par la ligne 2 du métro avec les stations Terne et Courcelles, ou encore avec les bus 31 et 30. Alors, je me suis permis la petite parenthèse en disant je ne comprenais pas pourquoi la CFDT est là, mais disons que quand on regarde ce qui est décidé par les bureaux de la CFDT aujourd'hui, avec la pleine négociation de la loi travail et qui se satisfait totalement de ce qui a été entre guillemets changé par le gouvernement sur la loi travail, si ces gens-là sont plus dans la lutte, mais qu'ils quittent la CFDT, quoi. Il existe hein, des centrales un peu plus revendicatives que ça. Alors la CGT suivant les fédérations, Sud Solidaire bien évidemment, la CNT, etc. Mais voilà, à un moment donné, il faut être en accord avec ce qu'on veut, ce qu'on souhaite, et en accord avec ses principes. Si on est dans la lutte, la CFDT, faut pas y rester trop, quoi. Ça sert à rien. La bureaucratie manœuvrera toujours pour être de plus en plus pro-patronat et pro-capitalisme. Hein. Je veux dire, la CFDT, elle n'a pas pour but l'annihilation du patronat et du salariat. Hein. Donc, à un moment donné, il faut... Voilà, faut se poser des questions, au moins. Se poser des questions si un syndicat CFDT doit rester, à la vue de ce qui se passe au sommet de la CFDT, doit rester dans cette confédération ou aller ailleurs. Je pense que c'est au moins une question pardon, à se poser. Hein, je ne dis pas qu'il faut forcément couper les ponts, etc., mais c'est une question à se poser. Je pense qu'il ne faut pas faire l'économie de réfléchir sur ce sujet. Enfin bref, en tout cas, voilà, un préavis couvre pour les postiers et les postières sur la journée du mardi 22 pour Paris. Donc voilà, le rassemblement, c'est à la DOTC Paris Nord, 27 rue des Renaudes, pardon. On y accède avec le métro 2, station Terne et Courcelles, avec les bus 31 et 30, et c'est à 8h30 du matin. Dernier rendez-vous pour le mardi 22 mars, pardon, comme vous le voyez, je suis donc encore malade, ce sera à 21h. C'est un spectacle-concert en soutien à la bibliothèque révolutionnaire qui s'appelle Le Jargon Libre. Et ce spectacle-concert s'intitulera « Putain de guerre ». Ça aura lieu demain à 21h donc, et ça aura lieu à la Maison de l'Arbre La Parole Errante, qui est située à Montreuil, au 9 rue François Deberg. On y accède avec la ligne 9 du métro, station Croix de Chavaux. Alors le Jargon Libre est une bibliothèque de consultation où l'on peut trouver des livres et des archives sur l'histoire des luttes et des mouvements révolutionnaires. C'est ouvert tous les jours, du lundi au samedi, de 15h à 20h. C'est tout près du métro Ménilmontant. Et il faut le savoir, il faut le dire, le Jargon Libre vit sans aucune subvention. Eh bien, pour que cette bibliothèque d'archives puisse continuer à exister et être un lieu de la mémoire des luttes passées, présentes et j'espère à venir, nous organisons un spectacle-concert contre les guerres de et par Dominique Grange et Tardy. Alors Dominique Grange et Tardy, vous le savez, Tardy, hein, ce scénariste et dessinateur de bande dessinée, Alors, demain, l'ouverture des portes de la parole errante aura lieu à 19h et ce spectacle-concert commencera à 21h. Il y aura de quoi prendre un repas et se désaltérer avant et après le spectacle et l'entrée est à prix libre. Alors voilà, c'est demain soir à partir de 19h. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Les spectacles de Dominique Grange et de Tardy. Et il y aura d'autres personnes aussi pour jouer des instruments pendant le spectacle. Ces spectacles sont toujours très, très lourds en émotions, vraiment. Donc voilà, n'hésitez pas, vous le savez, sur Radio Libertaire, nous sommes antimilitaristes. Donc tout ce qui concerne les armées d'État et les forces répressives, on est contre, hein, tout simplement, puisqu'on propose plutôt l'autodéfense populaire face à ça. Pardon. Voilà. Donc n'hésitez pas à y aller. C'est rare qu'il y a des rendez-vous comme ça aussi importants en pleine semaine. Moi, je trouve ça bien et mieux. Ça nous permet de ne pas nous cantonner exclusivement au samedi, au vendredi, au samedi, au dimanche pour faire nos rendez-vous militants comme ça, nos spectacles militants. Voilà, c'est demain soir à 21h à la Maison de l'Arbre La Parole Errante, 9 rue François de Bergue à Montreuil. On y accède avec la ligne 9 du métro, station Croix de Chavaux. Et c'est à peine 5 minutes à pied. Voilà, en traînant les savates, c'est 5 minutes à pied entre la station Croix de Chavaux et la Parole Errante. Donc c'est vraiment à côté, des métros, il y en a jusque tard. Alors voilà, n'hésitez pas si ça vous intéresse. Le spectacle, je l'ai déjà vu, il était déjà passé au 33 rue des Vignoles, pardon, à la CNT. C'est vraiment un spectacle lourd en émotions, très bien fait. Et riche de beaucoup d'enseignements. Sur l'anti-militarisme et évidemment en lien contre l'état d'urgence qu'il y a actuellement en France. Voilà pour le rendez-vous à la parole errante. On passe à la journée du mercredi 23. Alors oui, aujourd'hui, hein, beaucoup de rendez-vous. Hein. Je suis désolé si ça a l'air d'être un peu comme une mitraillette mon débit de paroles, mais voilà, il y a beaucoup de rendez-vous que j'ai à vous proposer, enfin que j'ai sélectionné et donc que j'ai à vous proposer aujourd'hui. Et donc mercredi 23 mars, il y aura un rassemblement à 12h. Alors rassemblement pour un salaire décent chez McDonald's. Alors, je vous donne tout de suite le lieu. Ça aura lieu à 12h devant le McDonald's de la Gare du Nord, qui est situé au 25 rue de Dunkerque. Alors, pour y aller, hein, bah, évidemment, c'est Gare du Nord. C'est la station Gare du Nord avec les RER B et D. C'est la station Magenta avec le RER E. C'est la station La Chapelle avec la ligne 2 du métro. Et puis, Gare du Nord, c'est avec la ligne 5 et la ligne 4 aussi. Ou encore tout plein de bus pour y aller à Gare du Nord. Hein. Le 38, le 39, le 42, le 43, le 46, le 48. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore qui passe à Gare du Nord? Le 54, le 26 et le 35. Et puis bien évidemment les lignes H et K du Transilien. Alors, le C à l'appel du syndicat CGT de McDo Paris-Île-de-France, qui appelle les salariés de McDo donc, mais les autres aussi, hein. C'est toujours, on appelle les salariés de telle entreprise, mais et que les autres entreprises viennent aussi apporter un soutien, hein, que les salariés des autres entreprises viennent aussi apporter un soutien, c'est ça la convergence. Donc les salariés de McDo à se mettre en grève et à manifester ce mercredi 23 mars pour des salaires dignes et pour tous les salariés de l'enseigne. Rendez-vous à 12h devant le McDo Gare du Nord, je vous ai donné tous les moyens pour y accéder. Pour un salaire de base d'au moins 13€ de l'heure, pour une majoration de 50% du tarif horaire à partir de 21h, pour un salaire double les dimanches et les jours fériés sans condition d'ancienneté, et pour une égalité salariale entre les salariés McDo de France et les salariés sous franchise. Alors, un petit texte d'appel pour cette lutte. Il n'y a pas que des pubs McDo qui sont ridicules, nos salaires aussi. Les augmentations minables dont se vante McDo depuis plusieurs années correspondent en réalité à l'augmentation naturelle du SMIC et ne peuvent plus nous suffire. À l'heure où McDo est poursuivi pour blanchiment de fraude fiscale, l'enseigne ne peut plus se cacher derrière de prétendus déficits pour nous voler toujours plus le fruit de notre travail. À temps partiel, soit ce que nous avons presque tous, un salaire permet à peine de payer un loyer. Il est donc impossible de vivre dignement avec. McDo fait des profits mirobolants, nous en exigeons notre juste part. Il y a peu, les équipiers états-uniens ont obtenu une hausse de salaire sans précédent, passant de 7$ de l'heure à 15$ de l'heure. Ainsi, nous estimons qu'il est plus que raisonnable de réclamer un salaire équivalent, soit aux alentours de 13€ de l'heure. Ce qui ne fait qu'une augmentation de 40% en France, contre plus de 100% aux USA. Autrement dit, c'est le minimum qu'ils puissent faire. Et rien ne nous empêcherait de réclamer nous aussi un doublement de nos salaires. De plus, il est inacceptable, que nous continuions à ne pas toucher de majoration de salaire pour le travail de nuit et le travail du dimanche, et que la plupart des équipiers ne soient pas non plus payés double les jours fériés. Nous avons lancé, au début de l'année 2016, une pétition pour les salaires qui a recueilli sur Internet un succès immédiat dès la première journée. La signature papier nous a permis d'atteindre des centaines de salariés. Cette colère montante doit désormais se concrétiser en action. Vous pouvez retrouver ce collectif sur Facebook avec les indignés de McDonald's. Et en tout cas, voilà, moi je pense que c'est une lutte à mener. McDo, évidemment, c'est la malbouffe. Évidemment, c'est de la bouffe de merde. Il faut le dire, hein. Il ne faut pas avoir peur de le dire. McDo, c'est de la bouffe de merde. Mais en attendant, des gens y travaillent, des gens précaires. Et parce que la précarisation de la société existe, et surtout du prolétariat, les gens sont obligés, quelque part, de trouver des boulots de merde, comme être équipier ou équipière chez McDo. Eh bien, pour autant, ils et elles doivent défendre leur salaire et demander à toucher toujours plus. Pourquoi ? Eh bien, pour vider les poches du patronat, bien évidemment. Donc, le rendez-vous, c'est mercredi 23 mars à 12h, devant le McDo de la Gare du Nord, 25 rue de Dunkerque. Je vous ai donné tous les moyens d'accès, RER B et D, Transilien HK, plein de bus, hein, 38, 43, 35 pour ne citer que. La station de RER E Magenta également, la ligne 2 du métro La Chapelle, et puis la ligne 4 et 5, station Gare du Nord également. Voilà pour les travailleurs et les travailleuses de McDo. Toujours le mercredi 23. Mais cette fois-ci à 12h30. Ce sera une grève et une manifestation nationale des postiers et des postières. Je vous donne tout de suite le lieu. Ce sera devant le siège de la Poste, situé au 44 boulevard de Vaugirard. On y accède par la station Montparnasse, avec les lignes de métro 4, 6, 12 et 13. Et aussi par le Transilien ligne N. Et par beaucoup de bus, je n'ai pas la liste devant moi, mais il y a aussi beaucoup de bus qui passent par Montparnasse. Alors, cette manifestation des postiers et des postières, mercredi 23 mars à 12h30, commencera par un rassemblement, devant le siège de la Poste, comme je l'ai dit, au 44 boulevard de Vaugirard, dans le 15e arrondissement, avec des prises de parole, des pique-niques, et puis, il y aura par la suite un départ en manifestation vers la Cour des comptes. Cour des comptes qui se situe quant à elle au 13 rue Cambon, dans le premier arrondissement de Paris, sur l'autre rive de la Seine. Alors c'est à l'appel majoritairement de la Fédération Sud PTT. Et puis, voilà, ils demandent une riposte de l'ensemble des services. Et c'est en ce sens qu'il y a donc grève ce 23 mars, en tout cas à partir du 23 mars, puisque le dépôt de préavis fait par la Fédération Sud PTT est un dépôt de préavis illimité, qui débute donc le 23 mars. La Fédération Sud PTT appelle également l'ensemble des postiers et des postières à participer à une manifestation nationale, celle du 23 mars, et puis... celle aussi du jeudi 24 contre la loi El Khomri. Alors, les revendications, depuis 2005, il y a eu plus de 16 000 départs au courrier colis qui n'ont pas été remplacés, ce qui est donc autant pour la qualité de service. et la saignée continue dans les services supports de la maison mère avec des dizaines de fermetures de sites au moment même où la poste est censée se moderniser pardon, et a donc besoin de toutes les compétences. La direction de la poste programme des fermetures de bureaux de poste en catimini et avec la bénédiction des parlementaires de l'Observatoire de la présence postale. Les fermetures de centres de tri et leur cortège d'emplois locaux supprimés. Donc, pour défendre un service public de qualité, un service public de poste, de courrier donc, de qualité, eh bien, n'hésitez pas à vous mettre en grève si vous êtes postier et postière, et n'hésitez pas à appuyer cette grève si vous pensez qu'apporter une solidarité est nécessaire. Personnellement, je pense que oui. Voilà, c'est manifestation et grève, départ 12h30 devant le siège de la Poste, mercredi 23 mars, au 44 boulevard de Vaugirard. C'est à côté de Montparnasse. On y accède donc avec les métros 4, 6, 12 et 13, station gare Montparnasse, et aussi avec le Transilien ligne N. Autre rendez-vous pour ce mercredi 23 mars. Oui, beaucoup de rendez-vous de lutte hein, depuis deux semaines. Hein, j'espère que vous vous en rendez compte. Il y a des manifestations, des grèves, etc. tous les jours. Et c'est très bien. Hein, ce ne sera pas pour nous déplaire ici, c'est là que ça se passe. Et sur Radio Libertaire, de façon plus générale. Et à la Fédération Anarchiste, de façon encore plus générale. Autre rassemblement, donc, mercredi 23 mars, à 15h cette fois-ci. Un rassemblement devant le ministère de l'Éducation nationale. Alors, l'Éducation nationale, c'est... Alors, il y a un rendez-vous qui est donné à 15h devant la sortie de la station de métro Solferino. On y accède avec la ligne 12 du métro et avec le bus 69. Alors, pourquoi ce rassemblement de l'Éducation nationale ? Eh bien, c'est contre les fermetures de classes dans le département 94. Et donc, de façon plus générale, enfin là, c'est un avis personnel, contre les fermetures de classes de l'Académie de Créteil. Donc voilà, 99 fermetures de classes et 83 ouvertures seulement, pour 1066 élèves supplémentaires, du jamais vu dans le département. Tous au ministère, mercredi 23 mars à 15h. Rendez-vous métro Solferino. Alors, manifestation à 15h au ministère de l'Éducation nationale, annulation immédiate des 99 fermetures, ouverture de toutes les classes et postes demandés par les écoles et dotation supplémentaire exceptionnelle pour répondre à toutes les revendications légitimes des écoles du département. Et je rajoute de l'Académie de Créteil en général. La FCPE, vous savez, c'est l'association de parents d'élèves, s'associe à cet appel, et invite les parents à être présents massivement aux côtés des enseignants le 23 mars à Paris. Dans toutes les écoles, les communes, organisons des assemblées générales, établissons les revendications et adressons-nous aux parents et aux élus. Alors bon, personnellement, en tant que libertaire, s'adresser aux élus, ça n'a jamais fait grand-chose. Hein, mais bon, en tout cas, manifestons, accordons-nous dans nos assemblées générales et n'hésitons pas à occuper les écoles. Voilà ce que j'ai à dire pour ce rendez-vous. Sachant que plus précisément, le ministère de l'Éducation nationale, c'est vrai que j'ai dit que le point de rendez-vous était à la sortie de la station Solferino, du métro 12, mais le ministère de l'Éducation nationale est situé, lui, précisément au 110 rue de Grenelle. Voilà, pour un petit point d'information supplémentaire. Toujours mercredi 23, voilà, autre rendez-vous du mercredi 23 mars, ce sera à 16h, avec la projection du film « Attention, danger, travail ». Ça aura lieu au Centre universitaire des Saint-Pères. C'est centre de l'université Paris 5 Descartes. Précisément à la salle J229. Et le Centre universitaire des Saint-Pères est situé au 45 rue des Saint-Pères. On y accède avec la ligne 12 du métro, station rue du Bac, mais aussi avec la ligne 4 du métro, station Saint-Germain-des-Prés, ou encore avec le bus 63. Alors, dans le cadre de la mobilisation contre la loi sur le travail, une projection du film de Pierre Carles, attention, ou Pierre Carles, hein, pardonnez-moi l'écorchement du nom de famille, qui s'intitule donc Attention, danger, travail. Cette projection est organisée le mercredi 23 mars à l'Université Paris 5, site des Saint-Pères, salle J229, comme je l'ai dit. Rendez-vous à partir de 16h pour un goûter. Et puis, la projection débutera à partir de 17h. La mobilisation sociale en cours contre la loi travail est un moment à saisir pour questionner le travail dans son ensemble, en tant qu'institution et en tant qu'expérience. C'est pourquoi nous avons eu envie de revoir ce film, pour ensuite discuter et chercher à approfondir une critique du travail et de l'équation qui l'accompagne, c'est-à-dire, travail égale argent égale marchandise. Pourquoi travailler ? C'est la question que nous nous posons désormais. Eh bien, c'est très bien. Moi, je suis pour se questionner sur la notion de travail, parce qu'aujourd'hui, c'est le travail salarié. C'est surtout le travail pour engraisser le capitalisme, et c'est surtout pas le travail pour nous... un travail émancipateur de la classe prolétaire, pour une société égalitaire. Hein. Donc aujourd'hui, le travail, c'est surtout le travail capitaliste, en tout cas pour nourrir le capitalisme, et je pense que c'est vraiment nécessaire de se poser cette question du pourquoi travailler, ou en tout cas, pourquoi et comment travailler. Hein. Est-ce que les conditions actuelles de travail, c'est ce qu'on pourrait appeler du travail sur une société meilleure, hein. Voilà, enfin bref. Tout plein de questions. N'hésitez pas à aller poser vos questions et aller regarder ce film. Mercredi 23 mars à 16h au Centre universitaire des Saints-Pères de l'Université Paris 5 Descartes, salle J229 au 45 rue des Saints-Pères, métro station Saint-Germain-des-Prés avec la ligne 4 ou rue du Bac avec la ligne 12. Et puis, c'est à 16h qu'il y aura un goûter et la projection à 17h. Alors avant d'enchaîner avec la journée du jeudi 24 et de nouveau les mobilisations contre la loi travail des étudiants, des lycéens et lycéennes, des étudiants et des étudiantes, des travailleurs et des travailleuses et des précaires, pour être plus général, on va se faire une petite pause musicale. Et on va s'écouter Brigada Flores Magón avec le titre Pour ma classe. Et on se retrouve juste après. Cause de retour sur Radio Libertaire 89.4 sur la bande FM, sur Paris et l'Île-de-France et partout ailleurs. Sur le site internet de la radio, pour écouter en streaming notre chère Radio Libertaire, sur le site suivant radio-libertaire.net. Alors, beaucoup de coups de fil pendant cette pause musicale. Je suis désolé de ne pas avoir pu répondre à tous les appels. Ne m'en veuillez pas. Je suis tout seul au studio puisqu'il n'y a pas Milan avec moi pour animer l'émission. Donc voilà, je ne peux pas répondre à tous les appels. Voilà. Désolé. Mais en tout cas, merci pour les personnes qui appellent et je vous passe un salut. Fraternel et merci d'écouter cette émission, ça me touche beaucoup. On va continuer. Alors c'était Brigada Flores Magón avec la chanson Pour ma classe. J'espère que les paroles ont pu résonner quelque peu. Et on va continuer avec les rendez-vous de jeudi. Jeudi 24 mars, eh bien on reprend, hein, maintenant c'est cyclique, ce sont les mobilisations contre cette loi travail, avec dès 11h le rendez-vous Place de la Nation, RER A, Station Nation, Métro 6, Station Nation, et Métro 2, Station Nation, avec donc dès 11h les lycéens, les étudiants, qui appellent aussi les chômeurs, les chômeuses, les travailleurs, les travailleuses, à venir manifester avec eux et elles, de venir manifester avec les jeunes, donc, à 11h. Voilà. Alors, la loi El Khomri, hein, c'est l'augmentation du temps de travail pour les apprentis. C'est le tarif des heures supplémentaires qui peut être diminué de 5 fois sur simple accord d'entreprise. C'est de nouvelles possibilités de licenciement arbitraire. C'est l'augmentation de 10 à 12 heures de travail par jour sur simple accord. C'est plus de garanties pour les congés payés en cas de décès d'un proche. C'est l'augmentation du nombre de semaines où l'on peut travailler 44 ou 46 heures si jamais il y a un accord. Et c'est plus de minimum de dommages et intérêts en cas de licenciement injustifié. Alors je sais, il y a eu quelques machines arrière sur certains de ces... De certains aspects de cette loi qui a eu lieu pendant ces deux dernières semaines. Alors il n'y aurait pas eu cette machine arrière sur certains aspects s'il n'y avait pas eu de mobilisation, hein, et c'est non pas la négociation de la CFDT et de je ne sais plus quelle autre organisation avec le gouvernement qui a fait que le gouvernement est revenu un peu sur sa feuille de route, hein. C'est bien évidemment parce que c'est la rue, les manifestations, les blocages et les grèves qu'il y a eu ces deux dernières semaines, hein. Ne soyons pas débiles, hein. Pardonnez-moi l'expression, le mot est peut-être un peu fort. Mais en tout cas, voilà, la jeunesse se mobilise aussi, hein. Il y a eu de grandes répressions, je vous en ai parlé au niveau étudiant, au niveau lycéen aussi. Voilà, jeudi 24 mars, dès 11h, la manifestation des jeunes, qui appelle aussi les travailleurs et les travailleuses, et les chômeurs et les chômeuses à venir avec eux et elles. Donc dès 11h, rendez-vous, place de la Nation. L'autre manif du jeudi, ça sera à partir de 12h30. À partir du 12h30, là, à l'appel des grosses confédérations, hein, que sont la CGT, FO, FSU, Solidaire, etc. Peut-être d'autres aussi. Le départ à 12h30 se fera à Montparnasse. Montparnasse, je vous l'ai dit, hein, c'est métro... C'est métro 4, enfin les lignes 4, 6, 12 et 13, station Gare Montparnasse, aussi avec la ligne N du Transilien. J'ai pas la liste de bus, mais il y en a forcément. Et puis, on peut aussi y aller à pied, on peut aussi y aller en vélo, on peut aussi y aller en roller, en skate, etc. Hein, on n'est pas obligé d'utiliser les transports en commun pour y aller. Pour aller au rendez-vous que je propose, hein, bien évidemment. Je sais que je m'évertue à donner à chaque fois au plus possible, être le plus précis sur la station de métro, sur les lignes de métro, de RER, de Transilien, de bus aussi. Mais bon, je pense que c'est parce que c'est un tout, hein, que ça participe faire en sorte au désengorgement par rapport à l'automobile qu'il y a sur Paris. Et donc, bien évidemment, allons-y en vélo, en roller, en skate et à pied aussi. N'hésitons pas à utiliser notre propre force et notre propre énergie pour aller à ces rendez-vous. Alors, Montparnasse, 12h30, à l'appel de l'intersyndicale, en fait. Hein, et la manifestation se dirigera vers Invalides. Donc voilà, bonne marche quand même. J'espère qu'il y aura des petites actions tout au long de la manifestation pour égayer tout ça. Et il y en aura certainement eu déjà le matin. Et puis voilà, c'est pour mettre toujours la pression sur le gouvernement avant une manifestation qui s'annonce quand même importante, en tout cas on l'espère, celle du 31. Mais avant, voilà, il ne faut pas relâcher la pression avec soit les grèves plus corporatistes au niveau de... j'ai parlé de McDo, j'ai parlé de La Poste, j'ai parlé des infirmiers anesthésistes. Infirmière anesthésiste aussi, voilà, jeudi 24, plus précisément contre la loi El Khomri, eh bien, il faut aussi se mobiliser. C'est très bien que les jeunes et les étudiants et étudiantes se mobilisent, et l'après-midi, les travailleurs, mais voilà. Si les travailleurs pouvaient aussi venir à la manifestation des jeunes pour faire convergence, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est ce qui, aussi, le gouvernement a peur de cette convergence entre les travailleurs, travailleuses et les jeunes, hein. N'oublions pas que le gouvernement a peur de ça, de cette convergence. Voilà. N'hésitez pas à aller à la manifestation du matin à 11h à Nation, parce que plus il y a de monde et moins il y a de répression. Hein, c'est quelque chose, c'est comme ça, c'est vaste communicant. Plus il y a de monde, moins il y a de répression. C'est une logique mathématique. Donc la manifestation du matin, 11h Nation, la manifestation à partir de 12h30 à l'appel de l'intersyndicale à Montparnasse, plus précisément sur la place du 18 juin 1940 qui est devant Montparnasse, métro Montparnasse, hein, et puis il y a aussi plein de pistes cyclables sur Paris, donc n'hésitez pas à venir à pied ou de façon non motorisée. Voilà pour la journée du jeudi 24. On passe au vendredi. Alors vendredi, un rendez-vous intéressant qui aura lieu à 19h. C'est une réunion publique qui aura pour thème Fernand Pelloutier, promoteur des Bourses du Travail. Alors je vous donne tout de suite le lieu. Ça aura lieu à la Bourse du Travail de Choisy-le-Roi, qui est située au 27 boulevard des Alliés, à Choisy-le-Roi donc, et on y accède avec la station Choisy-le-Roi du RER C. Et puis certainement des bus qui y passent. Et puis si vous êtes dans le coin, et bien n'hésitez pas à y aller aussi en vélo. Alors, je vais vous lire le petit texte. Vendredi 25 mars à 19h. Hein. Je ne sais plus si j'ai donné l'heure. Alors, Fernand Pelloutier, promoteur des Bourses du Travail. Réussir la révolution, ce n'est pas faire table rase du passé, mais avoir su préparer, de longue main, les structures mentales et les institutions nouvelles. Voilà ce que disait Fernand Pelloutier au début du XXe siècle. Depuis 100 ans et plus, les institutions parlementaires, les partis politiques vendent leurs programmes aux citoyens. Depuis plus de 100 ans, nous confions notre destin à des patrons de droit divin, à des présidents de la République plus monarques que les rois. Et si nous changions de registre ? Et si nous parlions de ces institutions nouvelles que proposait Fernand Pelloutier et bien d'autres, et qui sont toujours nouvelles et avant-gardistes, même plus de 100 ans après, hein, je tiens à le signaler. Pour savoir où nous allons, il faut savoir d'où nous venons. C'est pour ça que la CNT vous propose de participer à une réunion publique le vendredi 25 mars 2016 à partir de 19h. Une collation est prévue, magnifique, consacrée à Fernand Pelloutier, promoteur des Bourses du Travail. Alors malheureusement, là je parle avec mon avis personnel, malheureusement je ne peux pas être libre vendredi soir, mais si je l'étais, je n'hésiterais pas à aller à ce rendez-vous parce que Fernand Pelloutier, ses écrits, qu'on trouve qui sont complètement indisponibles et qu'on peut trouver exclusivement que sur Internet aujourd'hui. Hein. Et encore, il faut bien fouiner sur les moteurs de recherche pour trouver des textes en PDF de Fernand Pelloutier. Mais ce sont des textes... Ah, ce serait très bien s'il y avait des maisons d'édition qui pouvaient rééditer les textes de Pelloutier, parce que ce sont des textes qui sont vraiment avant-gardistes, mais dans le sens positif du mot avant-gardiste, c'est-à-dire qui sont, comment dirais-je, qui proposent véritablement, tout comme les textes de Pierre Bénard, hein, par exemple, qui proposent véritablement un monde nouveau. Hein. C'est vraiment des institutions nouvelles. Et Fernand Pelloutier était attaché hein, au livre et à la transmission entre les ouvriers, hein, et non pas venant d'un conférencier qui serait détenteur du savoir, mais voilà, Fernand Pelloutier était vraiment consacré vraiment une partie de sa vie à ces espaces d'échange entre les ouvriers et les ouvrières, qu'étaient les bourses du travail à l'époque. Aujourd'hui, on sait ce que c'est devenu hein, et que c'est vraiment plus le cas. Hein. C'est pour ça que la CNT est interdite dans beaucoup de bourses du travail, ce qui est quand même assez hallucinant, sachant que l'inventeur de la bourse du travail étant un syndicaliste révolutionnaire, la CNT se retrouve interdite, c'est assez farfelu. Mais il y a encore des bourses du travail qui sont tolérantes, on va dire, comme celle de Choisy-le-Roi, où la CNT y a sa place et sa place légitime. Tout comme celle de Argenteuil aussi, je crois. Mais en tout cas, les bourses de travail de Paris intramuros, hein, là, c'est vraiment verrouillé de chez verrouillé. Bref, Fernand Pelloutier, promoteur des bourses du travail, ces nouvelles institutions, ce sera à la Bourse du travail de Choisy-le-Roi, au 27 boulevard des Alliés à Choisy-le-Roi. On y accède pour les transports avec la station Choisy-le-Roi du RER C. Et puis, il y a certainement des bus là-bas. Et puis, si vous êtes proche, n'hésitez pas à y aller aussi en vélo ou toute autre façon d'y aller non motorisée, je dirais. Voilà, pour vendredi, c'est 19h. Autre rendez-vous du vendredi 25, et cette fois à 19h30, dans la voûte de notre chère librairie Publico, ce sera la projection, suivie d'un débat, du film « The Take ». C'est-à-dire La Prise, film de Naomi Klein et Avi Lewis. Alors, à la suite de la crise économique d'Argentine de 2001, 30 ouvriers au chômage dans la banlieue de Buenos Aires occupent leur usine abandonnée par les patrons et refusent de la quitter. Ils demandent le droit de faire repartir les machines et de reprendre le travail. Freddy Espinoza, président de la nouvelle coopérative des ouvriers de la Forja, et Lalo Paré, activiste du mouvement national des entreprises récupérées, vont faire face, avec leurs camarades, à leurs anciens patrons, aux banquiers et au système tout entier. Et donc, c'est possible, l'autogestion d'une usine par ses ouvriers. La mise en coopérative de près de 200 entreprises en Argentine, de l'emploi pour 15 000 personnes avec de vrais salaires, une productivité croissante, c'est possible, nous dit Naomi Klein. Naomi Klein, dont ses livres sont disponibles à la librairie Publico également. Alors l'entrée sera libre et cette projection est proposée par le groupe Salvador Segui de la Fédération anarchiste. La librairie du Monde Libertaire, c'est Publico, c'est situé au 145 rue Amelot. On y accède avec beaucoup de métro. On y accède, par la station Oberkampf, avec les lignes 5 et 9 du métro. Par la station République, avec les lignes 3, 5, 8, 9 et 11 du métro. Et aussi par la station Fille du Calvaire, avec la ligne 8 du métro. Et puis aussi des bus, le 96, le 56, le 20 et le 65. Et puis voilà, n'hésitez pas à y venir, à pied, en skate, en roller ou en vélo. Il y a un canal qui est pas loin, donc il y a aussi des balades à faire en vélo hein, pour les personnes qui le veulent. Donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres rendez-vous pour Publico cette semaine? Alors je regarde et je vous dis ça. Oui, il y aura un rendez-vous samedi. Mais avant, je vais finir sur les rendez-vous de vendredi. Alors, parce qu'il me reste un dernier rendez-vous à vous proposer. Je vois que l'heure défile, il est déjà 14h08. Les minutes défilent. Un autre rendez-vous que je voulais vous proposer, c'est toujours vendredi à 20h30. Ça aura lieu dans le 78. Là, vous pouvez y accéder pratiquement que en automobile ou en scooter ou ce genre de choses. À 19h30, une réunion publique pour dire non au projet inutile en Val-de-Seine. Parce que aujourd'hui, on se cantonne de dire la ZAD de Rohiban, la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, la ZAD de Sivens, etc. Mais il y a aussi des ZAD en Île-de-France. Il y en a une dans le 95 et il y en a aussi dans le 78, en tout cas une future ZAD, on l'espère. Et plus précisément, en Val-de-Seine. De Conflans à Mantes, les formidables atouts écologiques du Val-de-Seine sont menacés. Ce poumon vert fait l'objet, ces dernières années, de gigantesques opérations d'aménagement du territoire des plus contestables. Ces projets obtiennent le soutien d'élus, ne mesurant pas tous les réels enjeux qu'implique une telle concentration. Des projets sans réelle concertation, au mépris des populations locales impactées et de l'environnement. Le seul fait remarquable de cette avalanche de projets est une sorte d'entente tacite de ceux qui les portent, leur permettant de se justifier les uns les autres. Ils sont présentés comme obligatoires du développement économique, de création d'emplois et de logements. Mais aucune réflexion n'est développée sur les précautions, sur la protection, sur les alternatives, alors que les retombées sur les populations concernées sont occultées afin d'éviter tout blocage. Comment cette stratégie d'évitement pourrait-elle nous contenter, sans concertation en amont, tout en tentant de minimiser son impact ? Les projets sont mis bout à bout. La liaison entre la départementale 30 et 90, dit du pont d'Achères, le port et la plateforme, la déviation de la RD 154 dans le bois de Verneuil, etc. etc. Qui pollue, qui vont polluer en tout cas les nappes phréatiques, le nouveau port de construction Atriel-sur-Seine, etc. etc. Voilà. Donc le collectif Nopival, non au projet inutile en Val-de-Seine, regroupant depuis un an des associations de terrain contestant ces projets, vous convie à une réunion publique pour débattre de ces sujets. Alors, ça aura lieu à la salle des fêtes de Gaillon sur Montsian, le vendredi 25 mars à 20h30, comme je l'ai dit. La salle des fêtes de Gaillon sur Montsian est située au 1 rue de Montsian. Alors, comme je l'ai dit, pour y accéder, hein, ça va être les engins motorisés. Sinon, la station la plus proche, c'est la gare de Melun-Hardricourt avec la ligne J du Transilien. Mais ça reste quand même assez loin, ça reste quand même beaucoup loin. Mais c'est la gare la plus proche. Sinon, vous avez un site internet dédié, www.nopivals.fr. Voilà. Hein, les projets inutiles, c'est pas seulement la ZAD de Notre-Dame-de-Landes, de Rohiban, de Sivens, etc. C'est aussi la lutte de Bure, c'est aussi les luttes contre l'enfouissement des déchets dans la Creuse, notamment des déchets nucléaires ou des mines en construction dans la Creuse. C'est aussi les projets inutiles en Île-de-France. Et voilà, je trouvais ça bien de vous transmettre ce rendez-vous pour aussi que vous voyez, que vous entendiez en tout cas, qu'il y a aussi des luttes, entre guillemets, ZAD, qui peuvent se passer sur l'Île-de-France et qui sont à soutenir, en tout cas de mon point de vue. On passe au rendez-vous de samedi. Samedi 26, dès 10h, il y aura le Salon international du livre antifasciste. Je vous donne tout de suite le lieu. Ce sera à l'École normale supérieure, à l'ENS, donc, qui est située 45 rue d'Ulm. On y accède comment ? Eh bien, on y accède par le RER B, station Luxembourg ou bien Port-Royal, ou encore avec la ligne 7 du métro, station Place-Monge ou Sancier-d'Aubenton, ou encore avec les bus 21 et 27, ou encore à pied, en vélo, en scooter, à pied, en vélo, en roller, en skate, ou comme vous voulez. Alors, ce Salon international du livre antifasciste à l'École nationale supérieure aura lieu dès 10h le samedi et ça sera pareil le dimanche, de 10h à 18h. C'est la deuxième année que ce Salon international du livre antifasciste... Pardon. Que ce Salon international du livre antifasciste a lieu. Voilà, vous avez, donc c'est entrée libre, il y a des conférences, il y a une préparation du 1er mai aussi. Des conférences, il y aura par exemple Jean-Paul Gaultier pour son livre « De Le Pen à Le Pen » aux éditions Sileps. Il y aura Annie Lacroix-Rise, « Le choix de la défaite, les élites françaises dans les années 30 » sorti chez Armand Collin. Les conférences du dimanche, ce sera Lydie Salver avec le livre « Pas pleurer » sorti chez Seuil. Ou encore Saïd Belakdar avec le livre « Le théologico-politique aujourd'hui » sorti dans la revue Topic. Donc voilà, n'hésitez pas à y passer. C'est à l'ENS, l'École Normale Supérieure, 45 rue d'Ulm, RER, station Luxembourg, ou métro 7, station Sancier-Daubenton. Salon international du livre antifasciste et des écrits de résistance à l'extrême droite. Voilà, n'hésitez pas à y aller. L'entrée sera libre et puis voilà, vous pourrez discuter avec pas mal de personnes. Et puis il y aura donc ces conférences le samedi et le dimanche. Autre rendez-vous du samedi, ce sera à 14h. 14h, ce sera la marche contre les pesticides et pour une agriculture respectant l'environnement. Trajet de la marche, eh bien, ce sera samedi à 14h, départ place d'Enfer Rochereau, pour aller vers le ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer, qui est situé au 246 boulevard Saint-Germain, avec une dispersion prévue à 17h. Voilà. Petit texte quand même. Alors, ils ont décidé de. Nous avons décidé de nous mobiliser avec force pour une interdiction des pesticides en exigeant une évolution rapide vers une agriculture respectueuse de l'environnement, des humains et des animaux. Cette marche est aussi à la mémoire des victimes humaines et animales, des champs, des rivières et de toute la nature. Alors, ce rendez-vous. Alors, sachez que il y a les insecticides néonicotinoïdes qui ont été interdits. J'ai vu cette information, qui ont enfin été interdits. J'ai vu cette information hier ou avant-hier. Le problème, c'est qu'il y a déjà un décret pour que cette interdiction ait lieu qu'à partir du 1er septembre 2018. Autrement dit, à la prochaine mandature, cette décision a de grandes chances de passer à la trappe. Et je pense que c'est bien aussi, hein, puisque c'est la lutte contre les insecticides néonicotinoïdes, c'est surtout la lutte pour les abeilles. Et oui. Parce que sans abeilles, pas de fruits, pas de légumes. En tout cas, 70% des fruits et des légumes disparaîtront. Et alors que cet insecticide tue un nombre incalculable, des milliards et des milliards d'abeilles par an. Et voilà, il faut se mobiliser aussi pour revenir à une agriculture telle qu'elle existait avant la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire raisonnée et raisonnable. Et bio si on le peut, c'est-à-dire sans produits chimiques, mais l'agriculture avant la Seconde Guerre mondiale était une agriculture à 100% bio. Hein. On a tendance à l'oublier aujourd'hui, mais c'est ce que mangeaient nos grands-parents dans leur enfance et nos arrière-grands-parents avant. Voilà, c'était des légumes et des fruits qui contenaient véritablement des vitamines, des minéraux, etc. Et eh bien, c'est aussi une lutte à mener. Comme je l'ai dit, samedi 26, dès 14h, départ place d'Enfer Rochereau, métro et RER d'Enfer Rochereau, où on peut aussi y aller par d'autres moyens de locomotion. Et le trajet, ce sera vers le ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer, situé au 246 boulevard Saint-Germain. Autre rendez-vous pour samedi. Eh bien, ce sera à 15h. Il y aura des débats, des projections et des rencontres avec des collectifs de sans-papiers à Saint-Denis. Le lieu, ce sera à la Belle Étoile, qui est située au 14 allée Saint-Just à Saint-Denis. Et on y accède avec la ligne 12 du métro, station Front Populaire. Autre rendez-vous encore, samedi 26 mars à Publico. Un concert à 17h30, dans le cadre du festival Femmes de Parole, co-organisé avec l'association Mots et Musique. Et ce sera Rachel en concert, samedi 26 à 17h30, à la voûte de la librairie Publico. Autre rendez-vous pour le samedi, à partir de 19h. Un repas solidaire est organisé à la Nouvelle Rôtisserie. Nouvelle Rôtisserie, c'est un restaurant associatif, alternatif et autogéré qui a ouvert ses portes il y a quelques semaines maintenant. Et ce samedi 26, le repas sera co-organisé par le CSPCL, c'est-à-dire le Comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte. Et les bénéfices de ce repas serviront à financer des projets au Chiapas. Alors la nouvelle rôtisserie est située aux 4 rues Jean et Marie Moinon, dans le 10e arrondissement de Paris. On y accède soit par les stations Colonel Fabien, ligne 2, station Goncourt avec la ligne 11, ou encore station Belleville avec la ligne 2 et 11, ou encore le bus 75, ou encore à pied, à vélo, ou tout autre moyen de locomotion qui ne pollue pas, dirons-nous. Voilà pour les rendez-vous de cette semaine sur Paris et l'Île-de-France. On va se faire une petite pause musicale avant d'enchaîner avec quelques rendez-vous en région. Il n'y en aura pas beaucoup, de toute façon il est déjà 14h19. Il n'y aura pas beaucoup de rendez-vous en région cette semaine, mais voilà, j'en ai quand même quelques-uns à vous proposer. Et on va se faire ça après une petite pause musicale. Et je vous propose d'écouter le groupe Bolshoï avec Violence Rouge et Colère Noire. Et on se retrouve juste après. Sur Radio Libertaire 89.4 sur la bande FM sur Paris et l'Île-de-France et puis partout ailleurs sur le site internet de la radio sur le streaming à l'adresse suivante www.radio-libertaire.net. Alors on vient de s'écouter le groupe Bolshoï avec Violence Rouge et Colère Noire et puis on va reprendre les rendez-vous. Et cette fois-ci, les rendez-vous en région. Alors, les rendez-vous en région, j'en ai quelques-uns à vous proposer cette semaine. Pas énormément, mais j'ai quand même fait une petite sélection avec notamment les projections du film « Je lutte, donc je suis » de Yanis Yuluntas, le nouveau film de Yanis Yuluntas, donc. Qui va passer cette semaine en région, notamment le 22 mars dans la ville de Crest, située dans le département de la Drôme. dans le département de la Drôme, où je salue le groupe La Rurale de la Fédération anarchiste, le 23 mars. Le 23 mars, c'est-à-dire mercredi, il y aura à Porte en Valden, toujours situé dans la Drôme, hein, Porte en Valden, le 24 mars, jeudi 24, à Aubenas, il y aura une projection de Je lutte donc je suis, Aubenas qui est situé dans le département de l'Ardèche, et que je passe un salut au groupe d'Aubenas de la Fédération anarchiste. Le 25, vendredi 25 mars, il y aura à Saint-Martin de Valence. Saint-Martin de Valamas, pardon. Toujours dans l'Ardèche. Le 26, ce samedi 26 mars, ça sera à Gachazelle-sur-Lyon, situé dans le département de la Loire. Et dans le département de la Loire, il y a le groupe Nestor Macno de la Fédération anarchiste que je salue. Et le 27 mars, enfin, pour cette semaine, c'est-à-dire le dimanche 27, il y aura à Genève deux projections ce jour-là, une à 11h et une à 13h45. Pardon. Et à Genève, et en Suisse, hein, je salue la Liaison Genève, et puis la Fédération Libertaire des Montagnes, affiliée à la Fédération Anarchiste aussi. Voilà, les projections du film Je lutte donc je suis, hein, que vous pouvez trouver sur le site internet de Yanis Yuluntas, et le site internet dédié au film Je lutte donc je suis, qui continuera aussi la semaine prochaine, et donc je ferai aussi un petit point sur les projections de ce film à partir de lundi 28, donc, sachant que, c'est le nouveau film qui avait été projeté aussi à Publico, la première version de ce film, une version premier montage, une version courte donc, qui durait à peu près 45 minutes. Yanis Yuluntas, alors peut-être qu'on essaiera à Publico de faire de reprojeter ce film, en tout cas le film entier donc, peut-être d'ici quelques mois, on ne sait pas encore, ce sera à voir. En tout cas, voilà, je vous reparlerai lundi prochain du film Je lutte donc je suis, en vous donnant aussi encore quelques dates, hein, puisque là, c'est vraiment la tournée en région, dans des petites villes, et c'est très bien, parce que, voilà, dans les petites villes, généralement, il y a très peu de personnes qui, il y a des personnes qui luttent, mais il y a très peu de personnes qui arrivent à se fédérer, en tout cas, pour un mouvement un peu plus grand que simplement son village. Et c'est pour ça, de voir qu'il y a des choses qui se font, puisque le film parle de la Grèce, mais aussi de l'Espagne, et bien voilà, de voir qu'il y a des choses qui se font dans ces pays-là, qui sont durement touchés par cette, entre guillemets, crise, et bien ça peut aussi redonner du baume au cœur, je pense, pour inventer aussi ces nouvelles formes de gestion directe, donc, ici, en France. Alors, pardonnez-moi, un autre rendez-vous. Ce sera le festival Concert sans frontières, qui aura lieu à Chambéry, samedi 26 mars. C'est la troisième édition de ce festival. Alors, je vous donne le lieu tout de suite, ça aura lieu à la Bisseraine. La Bisseraine est située au 505 route de Labiaz, et c'est situé précisément derrière le Stade Magère. À Chambéry, donc, l'entrée sera à prix libre, et la soirée commencera à 19h. Alors, il y a un beau programme, hein, parce qu'il y a pas mal de groupes, il y aura Pitbull, qui est du hip-hop manouche, il y aura Sissi Lucheni, qui est du punk-rock. Il y aura René Binamé, anarcho-punk, hein, que vous avez peut-être pu voir sur Paris samedi dernier, puisqu'il était à la CNT en concert, au 33 rue des Vignoles. Et il y aura aussi La Toile, électro-dub, qui était aussi en concert avec René Binamé samedi dernier à la CNT des Vignoles. Donc voilà, ces quatre groupes, plus un ou deux autres groupes pour faire... alors, il y aura un groupe pour faire, les parties musicales quand il y a un changement de plateau. Et il y aura un groupe à la fin, puisque la soirée va se continuer, continuer tout au long de la nuit. Alors, il y aura de quoi se restaurer, il y aura des tapes de presse également. Et puis, sachez que Concerts sans frontières est un festival qui est organisé par des personnes de la Fédération anarchiste, par des personnes d'Alternative libertaire, par des personnes du SCALP, ce groupe antifasciste, par des personnes de la CNT également, et puis par des personnes non organisées aussi. Voilà, Concerts sans frontières donc à Chambéry pour le samedi 26. C'est la troisième édition et je pense que c'est quelque chose qui est à soutenir. Alors, bien évidemment, il y a aussi des grèves de prévues et des manifestations pour le jeudi 24. Pour le jeudi 24, contre la loi El Khomri. Hein, il y a des choses qui sont prévues soit par les étudiants lycéens, soit par les travailleurs, travailleuses et précaires, soit par l'alliance entre ces deux groupements. C'est jeudi 24 qu'il y a ces luttes de prévues. Alors, j'ai pas les dates à vous donner, pas les lieux en tout cas de rendez-vous à vous donner comme j'avais pu le faire il y a deux semaines. En tout cas, je sais que va y avoir beaucoup de lieux. Il va y avoir beaucoup d'endroits. Il n'y a pas de site internet dédié, en tout cas, à ma connaissance. Mais voilà, dans toutes les villes, peu importe où vous êtes, dans toutes les grandes villes, en tout cas, il y aura des manifestations ou au moins des rassemblements de prévus, soit étudiants lycéens, soit à l'appel de l'intersyndicale, soit une jonction entre ces deux groupements, comme je l'ai dit. Ce sera jeudi 24. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner sur place. N'hésitez pas... si vous avez internet, à aller consulter les sites mutualisés Marseille Info Libre, Rebellion pour Lyon, Yata pour Toulouse, Brest Info Libre pour Brest. Il y a aussi un site d'info libre dans les environs de Tours. Tours aussi, hein, il y a une grosse manifestation qui se prépare le jeudi 24 à Tours. Les étudiants sont vraiment très... très à chaud sur cette revendication, donc c'est très bien. À Brest aussi, il y aura des choses, voilà, mais il y aura des choses un peu partout, donc n'hésitez pas à vous renseigner sur ce sujet pour jeudi 24 en région. Qu'est-ce que je pourrais vous rajouter d'autre sur ce sujet Non, eh bien, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à vous proposer pour les rendez-vous en région cette semaine. Pour les rendez-vous à l'international, ou en tout cas le petit point d'information à l'international, eh bien, je n'ai pas grand-chose cette semaine, si ce n'est qu'il y a un journal d'information sur les luttes qui se passent actuellement au Kurdistan qui est sorti, que vous pouvez trouver sur Internet. Je ne sais pas s'il a été tiré, imprimé, et qu'il est diffusé dans les infokiosques militants sur Paris, Île-de-France ou ailleurs. Mais je sais qu'il est diffusé sur les sites Internet de lutte, sur Yata, je crois, sur Marseille Info Libre aussi. Et je crois qu'il est diffusé aussi sur le site de Paris Lutte Info. Alors, n'hésitez pas à le consulter pour vous tenir au courant de ce qui se passe au Kurdistan. Il y a des sites internet aussi, hein, qui sur internet pour savoir ce qui se passe, parce que voilà, le municipalisme libertaire, c'est aussi ça fait partie de l'éventail des outils libertaires qu'on peut construire pour une nouvelle société, et donc je pense que c'est aussi à soutenir, et sachant que les IPG et les IPG sont les seuls. C'est-à-dire l'autodéfense masculine et féminine du Kurdistan sont les seuls, voilà, à défendre quelque chose, en tout cas les armes à la main, on va dire, puisqu'ils et elles ont été contraints d'arriver jusque-là, hein, bien évidemment. C'est jamais un choix revendiqué comme tel, la lutte armée. Mais voilà, ils ont été obligés parce que la répression était telle et par la Turquie et par la Syrie, etc., que voilà, c'était leur seul moyen, le dernier moyen qui restait. Sachant aussi qu'il y a trois régions au nord de la Syrie qui se sont organisées fédéralement. Voilà, donc fédéralement, donc de façon entre guillemets libertaire. Donc c'est à soutenir. Et je pense que voilà, il faut pas abandonner aussi cette lutte internationale et penser que le Kurdistan ne nous concerne pas. Hein, c'est faux. Ça nous concerne et on aimerait, en tout cas personnellement, ici à C'est là que ça se passe, on aimerait évidemment voir les Kurdes remporter des victoires parce que bon, il et elle remportent quelques batailles, mais il et elle en perdent aussi à certains moments. On voit avec l'aviation russe, hein, qui s'est passé, enfin, il y a des choses qui sont passées, des civils kurdes ont été des villes kurdes autonomes. Ont été bombardés. Hein. Donc la guerre contre Daesh, non, c'est en partie seulement hein, que la Russie, la Syrie, la Turquie, tout ça, c'est surtout une guerre contre l'autonomie des peuples à s'organiser, à s'auto-organiser eux-mêmes, notamment les Kurdes et les Kurdes de Syrie et de Turquie qui sont vraiment touchés par cette forte répression des États. Hein, tout simplement. Des États pour garder la mainmise sur un territoire, pour garder la mainmise sur des populations, et surtout pas que les personnes se libèrent de leur chaîne. Voilà, donc on terminera l'émission sur ce point, que vive le Kurdistan libre et le Rojava. Et je regarde dans le reste du studio de Radio Libertaire et je vois qu'il n'y a pas Géant qui présente d'habitude l'émission Onde de Choc, l'émission qui peut faire et défaire les carrières à loisir. Et donc la prochaine émission aura lieu à 16h. Alors je vais vous donner tout de suite quel sera le thème de l'émission Trou Noir du groupe Gaston Leval de la Fédération Anarchiste, qui aura lieu de 16h à 18h aujourd'hui, eh bien, ce sera avec un invité. Ce sera avec un invité. Je vous donne ça tout de suite comme information. Alors, voilà. Ce sera dans le cadre de leur thématique « Terre et radioactivité ». Alors, pour le prochain désastre nucléaire, soyons rassurés, l'État a tout prévu. L'armée pour endiguer ceux qui souhaiteraient s'échapper de la zone contaminée pour survivre, l'application de l'état d'urgence permettant de neutraliser les réactions incontrôlées d'antinucléaires ou d'anarcho-autonomes, entre guillemets. En tout cas, nos thyroïdes seront protégés, il suffira de prendre des pastilles d'iode, à titre préventif, juste avant la catastrophe. Pierre Péguin, militant antinucléaire dans le Sud-Est, nous en parle, ainsi que de l'actualité des manœuvres des nucléocrates, arc-boutés pour prolonger une filière nucléaire ruineuse pour le présent et potentiellement destructrice pour l'avenir de l'humanité. Voilà, ce sera l'émission de Trou Noir consacrée au nucléaire et à l'antinucléaire aujourd'hui de 16h à 18h. Il y aura aussi La santé dans tous ses états, l'actualité du milieu de la santé, de 18h à 19h30 aujourd'hui. Et puis, vous le savez, c'est l'émission Le monde merveilleux du travail de la CNT, de 19h30 à 21h aujourd'hui. Demain, il y a tout plein d'émissions. Mais parce que je sais le programme de quelques-unes, eh bien, je vais vous en informer. Demain, mardi 22 mars, sur Radio Libertaire, il y aura de 18h à 19h30. Il y a des émissions bien avant 18h et 19h30. Hein, c'est juste que je ne dispose pas des informations. Mais n'hésitez pas à écouter, hein, surtout. Donc de 18h à 19h30, dans l'émission Idéaux et Débats, il y aura une émission avec un entretien en direct avec Philippe Mathieu pour son roman « Hausse de l'abstention ». Puis ensuite, l'émission diffusera une interview de Nané Beauregard à propos de son roman « L'amour simplement » aux éditions Joël Losfeld. L'émission d'après, 19h30-20h30, demain, ce sera « Parole d'association » avec... Parole d'association parlera demain du spectacle Allocution familiale. Spectacle familial donc réalisé en famille avec Thomasy et sa famille pour un concert exceptionnel le jeudi 24 mars à 20h30 sur la péniche Marcounet, quai de l'Hôtel de Ville dans le 4e arrondissement. demain soir, 20h30, 22h30, Radio Libertaria, autre émission de la CNT. Mercredi, il y aura tout plein d'émissions, mercredi avec l'Entonnoir sur l'antipsychiatrie dès 9h30, émission de blues dès 10h30, et puis l'émission Judérel à 17h pour les reportages sonores et militants au cœur des manifestations ou au cœur de certaines conférences. 18h30, ce sera l'émission Femmes Libres, vous le savez, femmes qui luttent, femmes qui se témoignent et femmes qui se libèrent. 20h30, 22h30, l'émission Ras les murs, l'actualité des luttes des prisonniers et des prisonnières, tous les mercredis de 20h30 à 22h30, depuis 1989, signalons-le. L'émission Ras les murs combat pour l'abolition de la prison. De plus, elle soutient les prisonniers et les prisonnières en lutte qui s'organisent contre l'enfermement et pour l'amélioration des conditions de détention. Voilà, comme vous le voyez, beaucoup d'émissions, beaucoup d'émissions. Hein. Je passe sur certaines parce que je n'ai pas les informations de ce qui sera traité cette semaine. Mais voilà, toute la semaine, il y a toujours des émissions écoutables, des émissions de qualité sur la plus rebelle des radios de Paris-Île-de-France, évidemment, Radio Libertaire. 89.4 sur la bande FM, hein, je sais que je me rappelle, et partout ailleurs sur le streaming de la radio, sur le site dédié www.radio-libertaire.net. Alors en ce qui concerne, c'est là que ça se passe. J'ai débordé quelque peu de 10 minutes, mais étant donné qu'il n'y a pas onde de choc, tout va bien. On va se quitter avec deux chansons. On va se quitter avec la chanson du groupe Molodeuil, chanson qui s'intitule « On est là ». Et puis, juste après, comme à chaque fois, ce sera le générique de fin de l'émission, c'est-à-dire le groupe Seconde Chambre, avec le titre « Victoire prochaine ». Alors la semaine prochaine, normalement, si tout va bien, nous serons de nouveau deux, c'est-à-dire Milan et moi-même, pour présenter l'émission et pour donc avoir plus de temps pour décrocher par rapport aux appels... aux appels que vous nous passez pendant les pauses musicales. Voilà. N'hésitez pas, hein, vous le savez, hein, Radio Libertaire ne fonctionne exclusivement grâce à votre soutien. Et pour ça, vous avez trois façons de faire. Hein. Vous avez la première, aller sur Internet, sur le site de la radio, radio-libertaire.net, télécharger un bon de souscription et le tout à renvoyer au siège social de la radio, hein, Radio Libertaire /publico 145 rue Amelot, 75011 Paris. Vous pouvez passer à Publico aux heures d'ouverture, c'est-à-dire du mardi au vendredi 14h-19h30 et le samedi 10h-19h30 pour demander la carte d'auditeur et d'auditrice, valable un an, qui est au prix de 20 euros et qui permet de nous aider aussi et donc de vous aider pour pouvoir disposer d'un média alternatif sur la bande FM et sur Internet. Autre moyen de faire, c'est de faire un chèque et voilà, n'hésitez pas à passer à Publico. Et puis si vous êtes en région et que vous voulez aider Radio Libertaire, eh bien vous faites un chèque à l'ordre de DMC. D comme David, M comme Mathieu et C comme Christophe. Et puis mettez ça dans une enveloppe et puis vous l'envoyez à Radio Libertaire-Publico 145 rue Amelot 75011 Paris. Alors je sais, hein, ce n'est pas agréable de demander de l'argent comme ça, mais c'est vrai que étant donné que c'est une radio sans pub, sans dieu, sans maître de la Fédération anarchiste, eh bien, surtout sans pub, eh bien, on n'a pas toutes les vannes financières, oui, que les autres radios qui sont un peu sur la gauche et un peu sur la droite de 89.4 peuvent, elles, avoir. Nous n'avons pas ça et nous avons exclusivement vos dons pour pouvoir émettre, c'est-à-dire avoir une fréquence officielle sur Paris-Île-de-France, le 89.4, de pouvoir payer les serveurs pour pouvoir diffuser partout dans le monde par le streaming de la radio sur le site, hein, je le rappelle, radio-libertaire.net. Vous retrouvez les podcasts aussi des émissions pour nous réécouter sur ce site-là. Vous retrouvez l'agenda aussi des émissions pour savoir ce qui va se passer dans la semaine sur la radio. Toujours sur ce site, radio-libertaire.net. Voilà, vous pouvez donc, puis une présentation des limites des émissions, quelques photos, ce genre de choses. 14h44, prochaine émission à 16h, Trou Noir sur l'antinucléaire. Je vous laisse avec Molodeuil, le titre On est là, et qui sera suivi par le groupe Seconde Chambre et le titre Victoire Prochaine. Et on se donne rendez-vous lundi prochain à 13h pour un nouvel agenda militant. Nouvel agenda, c'est là que ça se passe. J'espère qu'on sera au complet avec Milan et moi-même, c'est-à-dire le duo. Et en attendant, donc, Molodeuil, on est là. Seconde Chambre, Victoire Prochaine. Prochaine émission à 16h, Trou Noir sur l'antinucléaire. Et puis, en attendant, ça sera des bandes continues de Radio Libertaire qui vont prendre le relais juste après moi. Bonne semaine de lutte. N'oubliez pas d'aller manifester si vous le pouvez. N'oubliez pas de vous mettre en grève si vous le pouvez également. Et puis, mobilisez-vous hein, contre la loi El Khomri. C'est seulement la première bataille et seulement la première victoire, j'espère. Et puis, voilà, il ne faut pas oublier qu'il y a tout le reste aussi à envoyer balancer dans les poubelles de l'histoire et que c'est seulement ensemble qu'on y arrivera. Allez, bonne semaine de lutte. Et à lundi prochain. Jusqu'à ce que...